Je vais frapper un grand coup histoire d'achever la prod. Toujours à distribuer des rimes comme un dealer devant son bloc. Les années passent, je me consume. J'ai l'impression de partir peu à peu enceinte comme une cop qu'on fume. Sportif de haut niveau, certains diront que j'ai de l'envergure. Parce qu'ils me connaissent qu'en surface, prête pas d'attention à mes blessures. Ils s'attachent à ta situation. Et plus à l'homme, le jour où j'arrête ma carrière, mon seul ami sera mon ombre. Beaucoup me connaissent en apparence, très peu dans le fond. Pour tout savoir de moi, courage, va falloir creuser profond. J'ai enterré mon passé à l'aide d'un stylo et d'un bloc. Parce que l'écriture était l'antidote. La musique depuis toujours me fait voyager. Mes couplets viennent camoufler un cœur saccagé. Quand la brume commence à se propager, je vais vider ma plume, inonder mes cahiers. Entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde. Un face à face entre l'honneur et la honte. Deux ennemis qui toute la vie s'affrontent. Partagé entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde. Un face à face entre l'honneur et la me connaissent, mais combien savent réellement qui je suis, accusé d'être un gosse à cause de mes vœux qui repoussent sur l'utopie. Je suis comme tout le monde, j'ai en moi une face cachée, j'ai en moi une part d'ombre qui ne veut pas se détacher. Oui, j'ai blessé des gens, car mon orgueil a une grande gueule, parfois bête et méchant. Je ne suis pas à l'abri de finir seul, je ne suis pas à l'abri de péter les plombs, de voir ma famille, mes amis subir mes paires de raisons. J'ai la musique et le sport pour apaiser mes douleurs, pour donner à ces moments noirs un petit peu de couleur. Mais regarde au plus profond de moi, ce qui occupe l'espace, tu y trouveras une rose et une ortie partagent le même vase. J'ai fait des choix, parfois sous des états de folie, des tas de conneries. Et ose me dire qu'à aucun moment je ne t'ai fait gollerie. Comme dit Sopra, j'ai en moi une colombe et un corbeau. Et dire lequel ressort le plus, je peux pas, c'est encore tôt. Entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde. Un face à face entre l'honneur et la honte. Deux ennemis qui toute la vie s'affrontent. Partagé entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde. Un face à face entre l'honneur et la honte. Deux ennemis qui toute la vie s'affrontent. Entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde. Un face à face entre l'honneur et la honte. Deux ennemis qui toute la vie s'affrontent. Partagé entre la lumière et l'ombre, on représente les différentes parties du monde.